Vous connaissez Champion? Champion, c'est le nom de mon chien. Un grand chien à poils blancs. Un grand chien pas méchant. C'est un vieux chien maintenant. Il a bientôt 15 ans. Il ne sent pas très bon. Il dort presque tout le temps. Il n'entend plus très bien. Mais nous l'aimons bien.